À notre gauche, Oppenheimer, 100 millions de dollars de budget, et, au 1er août 2023, 412 445 520 dollars au box-office international. À notre droite, Barbie, 150 millions de dollars de budget, et au 1er août 2023, 795 722 042 dollars au box-office international. Même si Barbie domine pour l'instant les entrées, Barbenheimer reste le match de l'été. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a un nouvel épisode de Après Mérédi Raclette. Avec ce cher Mio. Hello. Et moi, Elkatou. Alors en fait, on va aborder le match de cet été, qui est Barbenheimer. Donc le fameux duel Barbie-Oppenheimer. Parce que de prime abord, on pourrait penser que c'est pas si assez similaire, mais quand même quelques similitudes, et puis ça permet justement, il y a deux moods différents quand même sur ces deux films, donc on peut se permettre de les opposer, donc voilà. Et de les mettre côte à côte. Exactement. Donc sur Oppenheimer, on a Universal. Puis d'autres petites, mais essentiellement Universal. Et ils ont vraiment tourné à Los Alamos. Los Alamos, qui est le lieu des essais nucléaires. Voilà. Et quand on connaît le perfectionnisme de Nolan. Et de la conception. Oui, tout à fait. Ça ne m'étonne pas du réalisateur. Et concernant Barbie. Alors, concernant Barbie, il faut savoir que Margot Robbie est productrice là-dessus. Et en fait, à la base, elle n'était pas censée avoir une. Enfin, elle n'envisageait pas spécialement d'avoir le premier rôle. Et elle voulait surtout produire. Et là, en fait, c'est du Warner Bros. Concernant les réalisateurs et réalisatrices, on a Christopher Nolan. Deux, trois petits mots sur Nolan, mon cher Anillo. Donc Nolan, c'était un réalisateur qui est connu pour ses films très perfectionnistes, très maniaques, carrés, on peut dire, de A à Z. Son parcours est intéressant parce que il n'est pas venu tout de suite au grand public, même si déjà son deuxième film Memento, juste après Following, a connu un petit succès qui l'a fait rentrer dans la hype. Mais pour le grand public, c'est à partir des Batman, même si le prestige avant ça est pour moi un de ses meilleurs films, son meilleur peut-être, c'est plutôt les Batman qui ont établi le nom de Nolan pour le grand public. Et comme il n'a pas tourné les Batman à la suite, il a tourné le Batman, après il tourne Inception, après il tourne un autre Batman, après il tourne Interstellar, on peut dire qu'il a bâti sa carrière en rebondissant à chaque fois sur, à la fois sur des sujets qui lui tenaient à cœur, et à la fois sur des films plus grand public, ce qui fait qu'il est à la fois partagé entre un cinéma qui est vraiment pour tout le monde, et des thèmes plus complexes, plus chers, avec Oppenheimer, un savant. Avec Inception, on est sur plusieurs strates sur la réalité, détournement de la réalité. Avec Interstellar, c'est sur les paradoxes temporels et les voyages dans l'exploration spatiale qui en font un réalisateur qui on continue de suivre, même si on peut parfois ne pas être en désaccord avec certains de ses films. Par exemple, moi, personnellement, Dunkerque et Tenet, j'avoue avoir eu du mal. Katou, qu'en penses-tu ? Je suis assez mitigée sur Nolan, en fait, personnellement. Moi, j'ai pas... Je nie pas, par exemple, que Tenet soit un très bon film, mais c'est pas forcément celui avec le... pas Tenet, Dunkerque. Inception. Ah. Inception. En fait, mais c'est pas celui avec lequel j'ai plus d'affinité. Je l'ai regardé, à la fin de séance, j'étais bon, d'accord, ok, ouais. Sans plus, quoi, ok, j'ai vu un truc. Et alors, comparativement, je pense que j'ai préféré Tenet. Mais. Sur le concept, déjà, sur l'idée de base, après, sur toute la complexité du film, non, c'est pas si complexe, c'est très construit. Justement, je trouve ça suffisamment bien construit pour qu'on puisse se repérer si vraiment on prête attention, en fait. J'ai l'impression qu'il se la pète un peu moins sur Tenet que sur Inception, par exemple. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'on peut se rejoindre sur deux choses. La première, justement, c'est que Nolan, il fait les films concept, et quand il est sur son concept, il va l'étaler, il va le construire. Ça participe de l'aspect maniaque de ses films. quitte à revoir Tenet plusieurs fois pour bien tout comprendre. Et la deuxième chose sur laquelle on va se rejoindre, c'est Shakatou, ce sont les personnages féminins chez Nolan qui, dans toute sa carrière, on ne les trouve pas forcément très développés. On va prendre Inception dont on a parlé, par exemple. L'unique personnage féminin... Ah non, il y en a deux. Mais Marion Cotillard, c'est limite le personnage qui est dans le trauma inconscient qui... Voilà, donc on va prendre Ellen Page, qui est devenue Elliot Page maintenant, qui joue le rôle dans la bande de DiCaprio, qui est un peu, entre guillemets, l'architecte. C'est bien beau, mais voilà, DiCaprio lui montre le truc, etc., comment ils vont bâtir la structure du rêve. Et on a envie de se dire, oui, mais on ne peut pas avoir un peu plus, on ne peut pas savoir un peu sa vie à côté, parce qu'on dit que c'est une étudiante que Michael Caine débauche, etc., dans le film pour aider DiCaprio, mais... on n'en saura jamais plus. Le personnage n'est jamais travaillé, on n'a pas de passif, même après la fin du film, on ne sait pas leur avenir ni rien, surtout le personnage féminin, et je trouve que c'est dommage. Et pour Oppenheimer, par contre, de mon côté, j'ai eu l'impression, bon, c'est pas non plus du 100%, mais j'ai eu l'impression que Nolan avait fait des efforts du côté des deux personnages principaux du film. On va y revenir après quand on va avec les acteurs, mais qu'en penses-tu, Katou ? Alors effectivement, on sent que c'est les personnages féminins, ça ne parle pas. C'est-à-dire que bon, tu vas avoir des gars quand ils vont écrire des personnages féminins, ils vont porter tous les clichés ou toutes, ils vont être soit porteurs de tous les clichés qu'ils ont sur les femmes, ou soit ça va être les personnages féminins vont être porteurs de tous les fantasmes qu'ils projettent. Et là, j'ai l'impression que Nolan, c'est surtout bon, il cherche pas plus que ça, ça lui parle pas. Il sait qu'il faut des femmes, il sait qu'il y en a dans la société, mais ça lui parle pas plus que ça, en fait. Donc, il en met, mais il sait pas les développer. Donc, parce que ça lui parle pas, une femme, et on sent qu'il est pas... Mais au moins, il fait rien, quoi. Il fait rien, en fait. Oui, voilà. Un bon point pour lui, c'est qu'il cherche pas non plus à mettre un personnage féminin à la noix. Voilà. Si l'histoire le justifie pas... Il va pas forcément en mettre, parce que d'ailleurs, un point commun qu'on peut voir à ses premiers films, c'est que c'est souvent un casting d'hommes, c'est des acteurs fétiches qu'on retrouve tout ça, mais il faut attendre le milieu de sa carrière avec la trilogie des Batman pour avoir Maggie Gyllenhaal, pour avoir entre deux, et on a Marion Cotillard. Voilà, mais quand on regarde ces films, les débuts. Même dans Insomnia, qui est son troisième film, qui est une commande, c'est plutôt l'affrontement entre Al Pacino et Robin Williams qui nous intéresse. Hilary Swank, qui est pourtant un personnage d'un second rôle important dans le film, ben, ça pourrait être un rôle très travaillé, mais non, et c'est dommage au vu du potentiel de cette actrice. Alors, en fait, justement, c'est dans Tenet, là, il y a un personnage féminin qui est intéressant, c'est le personnage d'Elizabeth Debicki, qui joue l'épouse de Sator. Et elle, je trouve qu'il y a un petit truc quand même qui commence à se dégager sur son personnage qui est intéressant. Mais c'est peut-être depuis récemment qu'il se dit je vais peut-être en développer, quoi. Oui, mais j'ai ressenti ça aussi. J'ai l'impression que avec Dunkerque et surtout Tenet, on a une espèce de tournant dans son cinéma où il tente des choses, comme on va le voir avec Oppenheimer bientôt, où peut-être les personnages féminins ils commencent à donner beaucoup plus d'importance, même s'il y a encore du chemin. Voilà. Ok, donc sur les réalisateurs, donc on a dit qu'il y avait Christopher Nolan, et de l'autre côté, pour Barbie, on a Greta Gerwig. Greta Gerwig qui trimballe quand même une image très auteuriste, très, très bourgeoise bobo new-yorkaise, et je pense que c'est dû aussi à son mec. C'est-à-dire que, ok, il ne faut jamais dire qui d'une femme qu'elle est fille d'eux, sœur d'eux, etc. Mais le truc, c'est qu'elle travaille avec son mec. Et son mec est quand même très empreint de ça. Son mec, c'est Noah Baumbach. Et lui, le type de film qu'il fait, c'est très, très caractérisé quand même. C'est des films pour des bourgeois new-yorkais et pire que Woody Allen, quoi. C'est vraiment... Et comme elle travaille avec Café Tout, elle a joué dans ses films, elle écrit avec lui. Je pense qu'il y a une influence là-dessus, ou même sans le vouloir, en fait. Hein. Sans le vouloir, elle est marquée par cette image-là, en fait. Voilà, je pense, pour rebondir sur ce que tu dis, cher Katou, qu'effectivement, les deux travaillent très imbriqués, et les deux sont des cinéphiles aussi, tout ça. Donc, est-ce que l'un déteint sur l'autre? Oui, peut-être non, on ne sait pas trop exactement. Mais le fait est qu'effectivement, comme tu dis, c'est des New-Yorkais, c'est très replié sur eux-mêmes. Après, comme on va le voir, comme tu vas parler un peu de sa filmographie, elle a commencé à s'ouvrir avec le grand public, avec les quatre films du Docteur Les quatre Marsh. filles du docteur Marsh, ouais, qui est quand même un peu plus accessible que celui d'avant. Mais je reviens vite fait à Noah Baumbach. Bon, Noah Baumbach, c'est celui qui a fait Marriage Story, juste avant The Meyer of It Story, qui a fait Frances Ha, dans lequel joue Greta Gerwig. Et rien que Frances Ha, moi je me souviens avoir vu la bande-annonce à l'époque, je me suis dit, c'est pas pour moi ce film. Parce que, effectivement, je vois un espèce. Enfin, c'est t'aspires à vraiment faire de l'intello new-yorkais et c'est. Tu sais, ce genre. Imagine ce genre de film où t'as des gens qui débattent pendant 30 ans d'une scène, d'un moment très con, mais ça fait tout. Ça fait une grosse partie dans un film. Tu te dis, mais en fait, à la base, ils débattaient de quoi? Et je trouve que t'as beaucoup de films qui se veulent intello américain comme ça, en fait, où ils se mettent à débattre d'une phrase ou d'un mot ou d'une attitude et ils développent tout un dialogue là-dessus. Et c'est trois fois rien, en fait. Et ça doit être pour eux, ils donnent l'impression d'avoir sorti un truc très, très profond. Ouais, j'ai l'impression quand je vois ce genre de film que c'est parfois des mecs qui aiment bien la nouvelle vague, un peu comme notre Christophe Honoré National, mais du coup qui arrivent pas à s'en dé... Ça les a tellement imprégnés qu'ils continuent là-dessus dans leur voie existentialiste et t'as envie de leur faire. Non, mais t'es pas obligé, on sait que t'aimes bien Godard et Truffaut, mais t'es pas obligé, hein. C'est ça. Donc, pour revenir à Greta Gerwig, donc on a dit en fait son elle avait fait deux films avant les quatre films du Dr. Marsh, dont juste avant en fait Lady Birds. Et Lady Birds qui avait été très très primée, avec Saoirse Ronan aussi, qui a quand même une aura d'actrice un peu. Ouais, elle peut facilement faire de l'auteurisme. Et puis, assez. En fait, même si elle fait deux, trois trucs un peu mainstream, mais c'est pas non plus une actrice, tu verras forcément dans des gros blockbusters. Donc, tout ça se suivait. Et du coup, avec Barbie, là, elle entre carrément sur du gros budget, de l'accessible. Parce que les quatre filles du Dr. Marsh, encore, on reste sur un public qui veut aller voir une histoire classique. Ça a été fait plusieurs fois, donc voilà. Je pense que c'est ce qui fait qu'elle a pu faire Barbie aussi, c'est que ça l'a un peu sortie d'une image moins accessible. Juste à savoir une petite chose, c'est que Greta Gerwig a failli jouer dans le. Parce que là, il y a, tu sais, la sitcom How I Met Your Mother. Yes. Il y a maintenant How I Met Your Father. Et c'est la deuxième tentative qu'ils ont fait pour faire How I Met Your Mother. Il y avait Your Father. Il y a déjà eu une première tentative. Et en fait, c'est Greta Gerwig qui jouait le rôle principal. Et du coup, ça fait pas plus d'un épisode parce que c'était haché. Donc, C'était trop new-yorkais. Non mais voilà, c'est pour dire, c'est qu'en fait, elle a pas, elle est moins, elle est moins dans, comme elle est actrice aussi, elle est un peu plus open à plus de domaines en fait. Donc voilà. Sur le ton et l'ambiance des deux films. Ah, le jour et la nuit. Ce qui a donné d'ailleurs lieu à de très chouettes mèmes d'ailleurs sur Internet. Exactement. Et je pense que là, c'est marrant parce qu'en fait, involontairement, t'as quand même deux grosses boîtes, Warner et Universal, qui ont eu droit à une espèce de promo conjointe involontaire. Et du coup, c'est intéressant parce que on sait pas d'où c'est parti, mais ça a été énormément profitable aux deux parce que autant Barbie, on sait que ça aurait fait plein de thunes. Autant Oppenheimer, je suis désolée, mais le sujet n'est pas forcément accessible à tout le monde. Est-ce que ça aurait fait autant de thunes s'il n'y avait pas une promo conjointe comme ça? Oui, c'est bien. En plus, ça a aidé des deux côtés. Et même les réalisateurs et réalisatrices ont joué le jeu. Parce que Christopher Nolan et Cillian Murphy ont été filmés avec leur ticket pour aller voir Barbie le jour de la sortie. Et du coup, il y a eu Ryan Gosling et Margot Robbie qui ont aussi, par la suite, montré leur ticket pour voir Oppenheimer. Donc, Après, je pense que ça part d'un bon sentiment. Mais voilà, ça aide vraiment les films, quoi, je trouve. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même cette idée que les acteurs eux-mêmes, ils aiment bien. Ils sont pas. Les acteurs, en fait, ils ont tendance à se dire aussi que ça profite à tout le monde. Mmh. Et vaut mieux que ça profite à tout le monde plutôt que d'en léser un, en fait, et que du coup, ça fasse moins de gens qu'en profitent. Là, bon, c'était. De toute façon, parce qu'il y avait soit. De toute façon, ceux qui veulent voir Oppenheimer, ils iront voir Oppenheimer, ça changera pas grand chose. mais du coup, ça laissait plus de public qui irait voir les deux. Oui, oui. Donc, et moi, je sais que je l'ai vu sur Twitter, maintenant appelé aussi X, je m'y ferai jamais. On a vu même Tarantino en photo avec la légende. Il y est sorti de Oppenheimer et là, il traverse la rue pour aller voir Barbie au cinéma d'en face. Sur Oppenheimer, il y a quand même. Ok, c'est le sujet très sérieux. Mais on l'a bien vu, il y a une volonté de vouloir tenter des choses un petit peu expérimentales dans la narration, de changer de choses. Et ça peut paraître un petit peu déroutant. Voilà, alors que là, Barbie arrive dans un schéma très défini, c'est-à-dire que Barbie est sur un schéma... Alors après, je termine sur Panama, c'est beaucoup moins glauque que je l'aurais pensé. C'est-à-dire vraiment, on est sur... oui, parce qu'on focalise beaucoup sur le... Enfin, pas glauque, mais flippant. Parce qu'en fait, ok, ça fait PPS, c'est nucléaire et tout. Mais moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus flippant, parce qu'on est vraiment de manière interne, ce que... dans la tête d'Oppenheimer, en fait. Mmh. On focalise vraiment beaucoup sur le personnage. Du coup, l'ambiance, c'est plus dans l'émotionnel... son émotionnel à lui, que de focaliser sur le nucléaire, sur ce genre de choses, etc. Et sur Barbie, on est sur un message général et surtout sur un ton comique, en fait. On a du recul. Là où, en fait, dans Oppenheimer, on suit Oppenheimer qui fait son introspection, dans Barbie... On est sur une envie de prendre du recul, surtout d'un point de vue comique, d'un point de vue des personnages, d'un point de vue du message à apporter. Donc voilà, après c'est ma réflexion à moi. Ça, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, les deux films abordent des tons différents et peuvent se rejoindre aussi. Je m'explique. Barbie donc, est très linéaire dans sa narration, etc., mais le film est très rose, tout ça, pour vraiment coller au personnage de Barbie, à la figurine, à tout l'univers que Mattel a développé, etc. Et là, esthétiquement, c'est... voilà. Donc on n'allait pas s'amuser à faire un montage ultra cut, tout ça. Ça reste très simple. Tandis que Oppenheimer, comme tu l'as souligné, Katou, c'est introspectif, tout ça. Et des passages très surprenants, un montage très clip dans la première partie, qui alterne entre les images, les visions qu'il a des neutrons, tout ça, à la fois ses propres cauchemars, et après que le passage pivot au milieu du film de des essais de la bombe, le récit se stabilise un peu plus, ce qui n'empêche pas certaines visions d'Oppenheimer vis-à-vis des victimes ou d'autres choses qui le frappent, et qui commencent à lui donner toute l'étendue de l'horreur de la bombe, qui est donnée dès le prologue avec citation sur Prométhée, le rôle de Prométhée, celui qui a donné le feu aux hommes et qui s'en est mordu les doigts à cause des dieux. Et donc, la mise en scène de Oppenheimer, donc, elle est à la fois un peu plus expérimentale et un peu plus linéaire dans sa deuxième partie, mais je trouve que ça colle, tout comme Barbie, c'est évidemment, ça colle tout à fait au sujet. Et comme tu l'as souligné, un côté très introspectif, etc. Je ne sais pas si le fait de l'avoir filmé différemment, avec une narration moins éclatée, plus linéaire, qu'il irait de 1940 jusqu'à 1953-54, aurait apporté quelque chose au film, ou alors ça aurait plutôt desservi en apportant un énième biopic de plus, ce que Nolan voulait éviter, je pense. Non, mais en fait, sans vouloir à tout prix faire un truc très linéaire, machin... juste épurer un peu ce côté-là, en fait. Alors que j'ai l'impression que, justement, il l'a éclaté encore plus. Mais j'ai l'impression qu'il a exploité vachement ce côté éclaté, là où c'était peut-être pas la peine d'en faire autant, parce que des fois, justement, sur la ligne du récit, on peut se perdre un peu. Et puis moi, ce qui me gêne aussi, c'est qu'en fait, par exemple, justement, ce petit montage clipesque du début, généralement, dans les films, tu le retrouves à la fin, ça. C'est des trucs où t'as tout le récit qui s'est passé, et d'un coup, faut montrer une évolution qui va amener à quelque chose, et t'as un montage clipesque. Là, il a mis carrément ça au début, Et sachant que le sujet est lourd, que tout ce qui est dialogue sur, on en avait parlé ensemble hier, sur par exemple tout ce qui est sur les institutions américaines, ce genre de choses, la politique, etc., est déjà présent, c'est assez lourd. Donc en fait, ça, je trouve que ça alourdit encore plus le truc, en fait, de parce qu'en fait, quand tu vois le film et qu'à la fin t'as le montage qui passe, on sait que c'est pour aller plus vite. Donc émotionnellement, voilà, t'es plus même soulagé qu'à un moment il y a des passages plus vite. Là, d'avant, tu sais que t'as encore tout le film à te taper et que en fait t'as à peine démarré dans le film et tu vois toute une suite d'images et ouais, c'est au niveau de la temporalité des événements, tu te dis qu'est-ce qui se passe en fait. Donc je trouve ça assez déroutant. Mais justement, en fait, moi j'ai repensé au film après la séance, j'ai beaucoup repensé au film, et c'est intéressant que tu dis qu'on place ce genre de montage clipesque à la fin, parce que je crois qu'à tout, tu te rappelles la fin de Babylone, nous avons une avancée dans le temps à la fin de Babylone, où tu as un montage clipesque de plein de films, etc., en accéléré très très vite, qui montre l'évolution du cinéma, et c'est là que le personnage, il a, c'est comme une vision pour lui, il voit le futur du cinéma, jusqu'à Avatar, etc., en 2009. Et là, au début, on a donc ce montage complètement clipesque, presque expérimental de la part de Nolan. Et après avoir vu le film, j'y repensais. Et j'ai repensé aux effets des neutrons. Dans le film, on dit clairement que les neutrons sont bombardés. Et là, je me suis dit, mais en fait, Nolan, il veut nous montrer la vision de... Il veut nous faire ce côté sensitif. Et du coup, il nous bombarde de ça, tout comme Oppenheimer serait bombardé de ses visions. Et là, pour moi, du coup, j'ai un peu plus accepté cet état de fait. Mais comme tu dis, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut revoir à la fin, ce qu'on a vu avec Babylone en début d'année, etc. C'est des trucs qui s'accélèrent à la fin, les 20 dernières minutes de Babylone qui s'accélèrent comme un clip, c'était... Je sais qu'il y en a qui ont détesté. Tandis qu'Oppenheimer, au début, et quand on en a vu le film, on s'est marré, je t'ai dit qu'à tout... Ouais, au moins c'est bien la première partie, t'étais bien, tu t'es pas endormi, tout ça, c'était notre principale crainte. Alors moi, sur la première partie, justement, j'ai un peu collapsé, je sais pas. Oh Après, non! je manquais un peu de sommeil hein, pour Oppenheimer, mais je t'avoue que j'ai un peu collapsé. Mais justement parce que il y a des trucs beaucoup trop lourds dès le début, en fait. Faut y aller en douceur, mais pas trop longtemps, parce que justement, t'as certains films, en fait, ils prennent le, ils ont le défaut, en fait, de passer 30 ans à faire l'introduction. Là, en fait. C'est très bizarre. En fait, t'as certains films qui vont passer trop longtemps, t'as certains films qui vont mettre dedans carrément. Et là, on sait pas justement. C'est-à-dire qu'on te met un petit peu dedans et d'un coup, paf! Alors qu'on est toujours qu'au début du film, en fait. C'est. Ouais, la structure est un peu bizarre. Et c'est pour ça que pour moi, la scène d'essai nucléaire à Alamo, c'est vraiment l'instant pivot, même qu'à un moment, il y a ce moment où il coupe le son pendant quelques minutes, parce que tout le film, il y a toujours du son à l'image, que ce soit la musique, que ce soit les gens, les bruits de parole, le vent, etc. Et là, il n'y a plus de son du tout au moment où la bombe, elle explose. Pendant quelques secondes, il n'y a plus de son du tout. Avant qu'il y ait le boom supersonique de la vague. Et là, après, justement, le film bascule. On a le procès qui va se développer, donc on retourne à un temps plus éloigné avec la résolution du procès. Comme dans beaucoup de films de procès américains, etc. J'ai l'impression qu'il paye un peu son hommage, son tribut. Mais pour revenir un peu qu'à tout à ce que tu disais sur l'aspect lourd, j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui est inhérent au film de Nolan, suivant le mood de l'esprit. Je sais que la première fois que j'ai vu Interstellar, il y a des moments où je me disais, putain, c'est un peu costaud, quoi. Faut se laver Interstellar, quoi. Ouais, mais alors curieusement, sincèrement, j'étais extrêmement réceptive à celui-là, mais je pense qu'il y a mieux géré. Voilà, c'est une affaire de mood, mais. En général, il est souvent un peu mouse pour pas mal de ses films, Nolan, ça va de pair. Barbie sur la mise en scène, d'une manière générale, c'est très théâtral hein, dans l'ensemble parce que c'est un décor en fait. C'est un décor de Barbie tant qu'ils sont dans Barbie Land. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que du coup, en fait, quand elle arrive dans le monde réel et qu'elle arrive au sein du siège Mattel, je spoil un peu, hein, il y a de nouveau. Quand elle arrive avec parlant du personnage de Will Ferrell, de nouveau ça revêt ce côté un peu théâtral, comique. Cartoon. Ouais, alors non, oui et non. C'est-à-dire cartoon, non. Pour moi, c'est pas du cartoon. Pour moi, c'est proche du comique que fait Will Ferrell habituellement. Là, j'ai vraiment l'impression de voir une marque Will Ferrell parce que j'ai l'impression de voir un personnage qu'il a déjà joué auparavant en fait. Et en fait, Et je pense que c'est parce qu'il doit y avoir un parallèle, comme quoi Mattel entretient cette image poupée, etc. Et d'ailleurs, c'est ça le truc. C'est tout le truc. C'est justement, on voit... d'ailleurs, au passage, le fait qu'on en a parlé aussi entre nous, c'est qu'en fait, il se dit des choses sur Mattel et ce qui s'y passe, où tu te dis, ah, ils ont laissé se dire ça. Mais en fait, ils le laissent dire parce qu'ils savent très bien que de la parodie, le comique... rendra toujours le personnage et une incitation plus sympathique que si elle s'était défendue coûte que coûte d'avoir l'air bien et par rapport à l'image qu'elle voulait donner. Donc voilà. Oui, tout à fait. Mais je disais cartoon parce que quand les... Je spoil ainsi un petit peu pour un détail, mais quand la voiture de Barbie et Ken hop, se retourne, on a ce retournement avec le flip, avec la petite poussière fait en dessin animé quand ils touchent le sol. C'est, ça, c'est quand ils sont dans Barbie Land. Là, je parlais, moi, de la scène quand, au siège Mattel. Mais du coup, quand ils sont à Mattel, cet aspect cartoon aussi qui se retrouve... Alors, on les voit comme dans les sketchs qu'on voit des comics des années 70, en train d'essayer d'explorer, de grimper à l'open space, etc. Alors, t'as envie de leur dire, mais non, mais passe à côté, crétin. Il y a plein de détails. Ils se jettent, etc. Tu vois, je vais la voir. Et c'est filmé comme des sketchs qu'on voit des années 70, beaucoup de trucs. J'ai pensé à Monty Python. Ah oui, on reprend ce gag avec les noix de coco. C'est vrai qu'ils ont un open space qui est un peu absurde. Hein. C'est une caricature d'open space un peu absurde qui est assez drôle aussi. Oui, on pense à l'open space au début de Matrix. Mais là, c'est tellement tourné en dérision, le siège même de Mattel, comme une immense grosse base à l'intérieur de Los Angeles, qui est tourné en dérision. Je doute que ça ressemble vraiment à ça, d'ailleurs. En ce qui concerne le casting, alors là, il y a un gros point commun aux deux, et qui est aussi un point commun qu'il y avait eu par rapport au dernier Wes Anderson. C'est que, mais avec une différence pour Barbie, moi j'ai aimé, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'en fait, ils nous déballent leur carnet d'adresse. C'est alors à la différence que je pour Barbie c'est pas tout à fait pareil et pour Barbie c'est pas tout à fait pareil dans le sens où en fait autant il y a enfin sur par exemple sur Oppenheimer et qui s'était posé problème pour Lois Anderson sur Stereo City, c'est qu'en fait il y a vraiment l'idée de pour le moindre rôle la personne qui est à côté, machin et tout, etc., ou celle qui va parler une minute ou même pas 30 secondes, on a un grand rôle, on a quelqu'un de méga connu, et même pas connu un tout petit peu, mais connu beaucoup. Enfin, c'est vraiment... C'est hallucinant. Wes Anderson, de film en film, ils disent « Eh, regardez qui sont mes copains !» J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Et moi, ça commence à me saouler, en fait. Mais réellement, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est sympa, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est... En fait, le carnet d'adresse du réalisateur est devenu l'argument marketing pour aller voir le film en fait. Alors avant, on a bien sûr le truc classique, il y a un tel à l'affiche 2, machin et tout, etc. Et je me rappelle pendant un promo, quand j'avais vu l'affiche avec tous les noms, je me suis dit, mais c'est des colos de vacances en fait, maintenant les films de Wes Anderson. Et là en fait, pour Oppenheimer, c'est exactement la même chose. Il nous déballe son carnet d'adresse. C'est indécent, ça m'agace de ouf quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes le film, tu dis, ah ouais, c'est un tel, ah ouais, c'est un tel. Et en fait, alors quand tu regardes pas les séries télé en plus, Tu te rends moins compte de ça, mais quand tu regardes les séries télé, tu sais que telle personne, il a joué tel personnage emblématique dans telle série télé. Et en fait, tu te dis, parce que par exemple, c'est ce que je donnais quand on en parlait avec nous hier, c'est qu'en fait, par exemple sur la commission Grey, tu as Tony Goldwyn. Tony Goldwyn, c'est un mec, si tu connais pas spécialement, parce que c'est pas le nom plus connu en France, mais le mec qui jouait le personnage emblématique du président dans la série Scandale, et il a joué dans Ghost. Qui était le méchant dans Ghost, il était super connu. Et en termes de carnet d'adresse aussi, c'est un descendant de la famille qui a fondé Goldwyn Mayer, quoi. Donc en fait, c'est pour un tout petit rôle. Le mec en fin fond qui va dire 2-3 phrases, en fait. Mais tu vois que lui quand tu connais que sa tête, parce que tu as vu sa tête pendant des années dans une série qui a super bien marché. Mais tu as des personnages. Le mec qui a joué le premier rôle dans Hérédité, il a joué le premier rôle dans Hérédité et pourtant il est. Il joue une scène, même pas 2 minutes, quoi, tu vois. Donc c'est un peu. Je suis un peu perplexée. Attends, je vais essayer de chercher son nom parce que c'est dommage de dire qu'il a eu le premier rôle dans Hérédité. Et d'ailleurs, je me souviens même. Je sais pas si t'avais capté qu'il était là, toi, ou pas. Mais moi, je l'avais pas vu du tout. Donc, ce mec-là, en fait, avec ayant joué en premier rôle, il a joué dans d'autres trucs aussi, hein, où finalement aux États-Unis, voilà, Alex Wolff, aux États-Unis, il est un peu connu, quoi, et il va jouer un énième rôle. Et en fait, chaque scène, tu as des parce qu'en fait, tout au long de ce, comme on égrène un peu toutes ces années d'Oppenheimer, il rencontre un tas de personnages qu'il voit pas longtemps ou quoi. Parce qu'en fait, quand tu regardes les personnages qui réellement ont de l'importance dans le récit, ils sont pas tant que ça, hein. Mais du coup, tu te retrouves, alors même si on se dit, ah oui, mais c'est tel personnage, c'est quand même un personnage dans l'histoire qui a été important, ok, mais dans le film, à quel point, enfin là, et en fait, au final, je me suis dit, je trouve ça dingue. En fait, moi, je commence ça dégueule le carnet d'adresse de Lonan. Alors, bah écoute, moi je pense qu'on peut dégager un ratio pour Oppenheimer. Pour les 40 ou 50 personnes qu'on voit dans le film, il y en a au moins 10 qu'on peut citer qui sont vraiment importantes, qui seront d'ailleurs au premier plan. Après, pour revenir à ce que tu as dit, moi ça m'a un peu moins gêné. C'est vrai que chez Wes Anderson, ça m'avait gêné, surtout sur The French Dispatch, parce qu'il y a des acteurs que j'aime beaucoup. Et Willem Dafoe, tu le vois, un petit travelling, 2 secondes à l'écran, tu fais « Oh putain, il dit rien du tout ». Même récemment, le dernier, Asteroid City, il y a Jeff Goldblum qui a juste une phrase à dire, tu te dis ouais. Voilà, ça m'a un peu plus gêné parfois chez Wes Anderson que Nolan, mais après, comme tu le soulignes, Katou, moi je regarde beaucoup moins de séries, donc il y a pas mal d'acteurs que j'ai pas forcément reconnus, ou juste après le générique de fin, tu te dis ah ouais, c'était lui. D'ailleurs, le travail sur les maquillages sur ces acteurs. Mettons... Mais il y a des séries que j'ai pas vues. Hein. Mais c'est juste qu'en fait, je sais qu'en ayant entendu parler de plein de trucs, en fait, que ce mec-là aux États-Unis, il a beaucoup plus de portée qu'en France. Mmh. Mais du coup, par exemple, il y a des acteurs, même avec le maquillage, j'ai pas forcément reconnu. J'ai vu Gary Oldman, c'est au générique de fin, je me suis dit, ah putain, il y avait Gary Oldman. Je ne l'ai pas reconnu. Il était maquillé, il est incroyable d'ailleurs, même si c'est un rôle extrêmement court. Et il dit 2-3 phrases, je ne vais pas spoiler le film. Mais voilà. Un autre rôle aussi, par contre, je peux me permettre de spoiler, vu que c'est un des acteurs principaux, Robert Downey Jr. Il est grimé avec, on lui donne 30 ans de plus. Il a perdu énormément de poids aussi. Il a perdu beaucoup de poids. Et là, franchement, c'est un travail de maquillage, d'acteur, de direction d'acteur, parce qu'on connaît Robert Downey Jr. pour des rôles beaucoup plus exubérants, où il va beaucoup gesticuler, comme Iron Man. Là, il est, bon, je dirais pas qu'il est sobre tout le temps, on reconnaît Robert Downey Jr. sous le masque, mais il fait le job, et il le fait bien. Du coup, je n'ai pas trop de choses à dire sur les acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs. C'est vrai qu'il y en a qui ont un rôle extrêmement court, ce qui est un peu dommage. Casey Affleck. Casey Affleck, c'était pourquoi ça ? Casey Affleck. Ouais, mais si je dis son personnage, ça spoil pas mal de trucs. Mais Casey Affleck qui fait Obama 2 minutes dans le film. J'ai vu quand il était apparu, je suis putain. Non mais en fait, imagine. En fait. Imagine, avant, on regardait certains films, et en fait, d'un coup, il y avait un guest. Mmh. Et ben, ce film-là, c'est 3 heures de guest. C'est fatigant, mec. Alors, dans les guests qui font plaisir, alors, bon, c'est pas vraiment un acteur que j'apprécie, mais Jason Clarke, qu'on sent qu'on a été sélectionné pour faire le rôle du méchant. Après, Jason Clarke, il a un vrai rôle aussi. Hein. Et il a un vrai rôle, c'est vrai. Non, plutôt un acteur qui a un second rôle que je voyais plus trop ces dernières années, c'est Alden Ehrenreich. Il a un vrai rôle aussi. Il a un vrai rôle, c'est plutôt un second rôle, mais il a un rôle très ambigu et je le trouve vraiment très bien. Je trouve que ça lui colle vraiment. Et là, on sent que Nolan, même s'il lui donne un second rôle, on sent qu'il cherche à exploiter. Mais on en revient à ce qu'on a dit plus tôt, c'est souvent les acteurs masculins, comme c'est Nolan a souvent été habitué. Et il y a quand même, si on croise 50 acteurs, il y a quand même une bonne dizaine où lequel il va essayer de les tirer sur 3 heures. Il y a de quoi faire quand même. C'est vrai qu'il y a la dizaine d'acteurs qu'il a sous la main. Et même si certains acteurs font juste coucou, comme si lui, comme ce cher Gary Oldman dont je ne citerai pas le rôle, parce que je vous laisse la surprise. Voilà. Oh, quand il est arrivé, quand j'ai vu que c'était Gary Oldman, je me suis dit, oh putain, en fait, j'en pouvais plus, c'est sûr. 3 heures de guest, quoi, c'est fatigant. Voilà. Mais ouais, mais moi, ça m'a moins gêné que pour toi. Et du coup, même, il y a des acteurs, mettons, James Darcy, j'ai même pas vu qui c'était dans le film. Kenneth Branagh, il a un rôle de 5 minutes, tu le vois. Au début, il fait coucou, tu le vois, à la fin, il fait coucou. Et pourtant... 2 minutes au début, 2 minutes vers la fin. Et pourtant, t'es quand même content de le voir, Kenneth Branagh, parce que... Kenneth Branagh, depuis Dunkerque, c'est devenu un des acteurs fétiches de Nolan. On le voit dans Tenet, pour un rôle, où il a les 15-20 minutes à l'écran, mais c'est quand même un des rôles les plus importants de Tenet, où il fait le méchant. Dans Dunkerque, il joue un capitaine, on le verra sur les 2 heures du film, 2 heures et plus, il va avoir quoi, 5-10 minutes de présence, parmi tous les acteurs à nouveau du film. Et pourtant, mais je pense que Nolan sait que Kenneth Branagh a un charisme de malade déjà au naturel, et je pense qu'il doit savoir que, oh, le film, mec, mon film fait 3h40, oh, bah, on verra 10 minutes à l'écran. Et pourtant, ça marche. Alors, en parlant de charisme, il y en a un qui a un charisme de dingue, en fait, dans ce film-là, c'est Josh Arnett. Et Josh Arnett, en fait, il a eu tout un passage à vide, en fait, après sa grosse période où il était jeune et tout. Et puis, il a fait des petites choses, voilà, où finalement, maintenant, il est juste acteur, lambda, sans forcément avoir une grosse machine derrière lui. Mais, et là, dans ce film, il a un charisme de dingue. En plus, comme il est plus grand que tout le monde, et chose qui n'est pas forcément apparente, on ne se rend pas compte à quel point il est grand, il a pris des épaules aussi. Donc, tu as l'impression qu'en fait, il pourrait jouer le premier rôle, en fait, d'un film où il fait un personnage méga charismatique, il joue en professeur en plus, je crois, là, enfin il y a des scènes où on voit que lui quasiment, en fait, quand tu regardes l'écran. Tout à fait, il joue le professeur Lawrence, qui est un des premiers qui va embaucher justement Oppenheimer dans l'université, etc., pour travailler avec les étudiants, et moi aussi je l'ai pas reconnu tout de suite, j'ai fait ah putain, c'était lui! Et là, du coup, je viens de voir que l'acteur qui jouait Einstein, je me demandais qui c'était. C'était Tom Conti. Et là, j'ai fait ah ouais, Tom Conti, il faut se rappeler Furio en 83 de Nagisa Oshima aux côtés de David Bowie. Donc ça fait très loin. Et le voir comme ça, je me disais, pendant tout le film, je me disais, mais c'est qui lui qui joue Einstein? Mais putain, mais je le connais! Ben ouais, Tom Conti. Hein. Et c'est encore une preuve que Nolan, on sent aussi qu'il aime bien les légendes du cinéma s'il peut les incorporer. Donc on pense à Michael Caine qui a été pendant longtemps des acteurs fétiches. Là, il y a Tom Conti. S'il peut incorporer des acteurs vieillissants histoire de payer son tribut au cinéma en tant que cinéphile, car Nolan est un cinéphile, tout comme Greta Gerwig, il se fait plaisir. Moi, en tout cas, je me suis dit, en fait, faudrait que Nolan, sur son prochain film, il se penche à donner un premier rôle à Josh Arnett, histoire de le remettre un peu en piste, maintenant qu'il a un peu pris de bouteille et d'épaisseur, quoi. Donc, oui, alors là, on était sur les personnages d'Oppenheimer. Sur le casting de Barbie. Alors, pareil, là aussi, il y a tout un... Alors, mais en plus, on loose des... C'est-à-dire qu'en fait, sur le casting de Barbie, c'est des gens qu'on a forcément vus par-ci, par-là, mais c'est des petits rôles, en fait. Enfin, c'est pas des... C'est des... Ils ont plein de petits rôles, mais c'est généralement des gens qui sont pas des gros noms non plus, en fait. C'est des gens qu'on connaît parce qu'ils ont joué dans effectivement une série, un film qui a bien marché, mais ça va pas plus loin que ça. Et surtout, je pense que là où c'est moins dérangeant pour Barbie, c'est que c'est du comique. Donc en fait, ça permet d'avoir un certain recul de lecture par rapport à tout ça. Sur le fait d'avoir un énorme casting comme ça, mais je pense qu'il n'est pas si énorme que ça, en fait, en termes de notoriété en plus. Donc c'est pour ça. En fait, ça va tout à fait avec le ton un peu pop culture de Barbie, parce qu'on va aussi bien croiser Dua Lipa que Emma McKay, John Cena que Ryan Gosling, que Michael Cena que Margot Robbie, et même la narratrice du film qui a un rôle important, même s'il est limité, c'est notre chère Hélène Mirren. Qui est d'ailleurs, dans les affiches américaines, Hélène Mirren est marquée « She's the narrator ». Elle apparaît avec les autres Barbie, entre guillemets. Et c'est intéressant parce que autant Oppenheimer, c'est un casting de gueule, d'acteur, on va dire, de voilà. Autant Barbie, c'est comme vient quand c'est contemporain. John Cena, il vient du catch, non, si je me trompe pas. Oui, c'est pas. Du catch, non. Le catch, Dua Lipa, c'est la musique. Voilà, on a Margot Robbie, Ryan Gosling qui essaie de plus en plus de faire des comédies, d'orienter la comédie plus que les films d'action, de... On sent que c'est vraiment pour coller autant de sujets, comme je disais, tout comme Oppenheimer. Voilà. Et encore une fois, je trouve que c'est bien pensé. Mais comme tu dis, ça passe crème, parce que, effectivement, le film est plus court aussi, on va dire, quand même. On a une heure en moins. Hein. Alors, juste un truc, c'est que même ça passe crème en termes de pop culture, dans le sens où j'ai l'impression même que l'attribution de rôle a été pensée comme ça, parce que quand tu vois, bon, Kate McKinnon, en fait, bon, on se dit SNL, machin, etc. Mais en fait, si elle a eu le rôle, c'est parce qu'elle était à la fac avec Greta Gerwig aussi. J'ai vu un article là-dessus. Après, Emma McKay, c'était surtout, ils l'ont dit en promo, c'était parce qu'ils trouvaient ça très drôle de la mettre dans le même film que Margot Robbie, parce que Margot Robbie et Emma McKay, on les prend souvent l'une pour l'autre, en fait. Et puis il disait que entre-temps, ils se sont aperçus en costume qu'il y avait qu'en arrivant en costume, c'est qu'ils se ressemblaient pas tant que ça. Et effectivement, comme tu viens de montrer, et qu'on en avait parlé hier, en fait, il y a par exemple le personnage d'une Barbie qui est Emerald Fennell, tu vois, qui est la réalisatrice de Promising Young Woman et qui était Promising Woman, c'est un film en soi féministe. Donc elle se retrouve dans le film Barbie qui a un message féministe aussi. Puis quand tu regardes en fait sur certains autres rôles, t'as Sharon Rooney qui fait la Barbie un peu enrobée. Elle a joué dans une série anglaise, il me semble, où elle jouait le rôle d'une adolescente enrobée qui vivait ses premiers émois sexuels, etc. Et en fait, t'as plein d'attributions de rôle où tu te dis, c'est un petit peu faire exprès leur truc, quoi. Et le personnage d'Alan, qui soit fait par Michael Cera. Alors, à la base, ça devait être Jonathan Groff qui devait le faire. Et puis, il a dit, ah ben non, je peux pas, et tout, etc. Et que je trouve tellement mieux d'avoir fait à Michael Cera, parce que Michael Cera, il a justement cette capacité à avoir un recul comique, là où Jonathan Groff, en fait, en termes de comique, moi pour l'instant j'ai pas vu ce que ça donne, hein. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il a un certain charme où il aurait pu faire un Ken, ou un assimilé Ken, ou Alan, puisque Alan c'est censé être le pote à Ken, et en fait, mais je suis pas persuadée que ça aurait donné le même ton avec lui qu'avec Michael Cera. Et où t'as l'autre acteur là, qui était l'acteur principal de Shang-Chi, qui fait un autre Ken. Attends, que j'essaie de trouver son nom. Attends! Ah voilà, Simu Liu. Voilà. Et en fait, lui qui fait le. Ouais, c'est l'espèce de Ken concurrent, quoi, tu vois. Donc. Moi, ça me fait marrer. En plus, tout le monde savait. Hey Barbie, salut Barbie, salut Barbie, salut Ken, salut Ken. Moi, ça me fait marrer parce que j'avais vu enfin RRRR d'Alain Chabat. Et à chaque fois, c'est l'âge de Pierre. Salut Pierre, salut Pierre, salut Pierre. Ouais, c'est le même gag 20 ans plus avant. C'est pas ça, c'est pas là-dessus en fait qu'ils ont joué sur le niveau des mamères. C'est au niveau de la scène. Je crois que c'est Jojo Rabbit où ils se disent Hi Hitler, Hi Hitler. Tu vois, c'est ça le truc en fait, c'est ça qui a été mis en parallèle justement quand ils ont pris pour faire le petit montage avec cette scène-là et c'est les deux scènes. Sinon ouais, sur le casting, attends, parce que du coup j'ai perdu mon fil. Ouais, il y a le prochain Doctor Who qui joue dedans. Ah, lui, qui est l'acteur? Alors, ça va être dur à dire. Nkuti Gatwa, qui est, et en fait lui et Emma Mackey justement, ils sont tous deux inhérents, enfin issus de la série, Sex Education. Et on reste quand même sur une autre autour des mêmes thématiques, de ce qui est sexualisation, sexe, machin que ça, parce que justement le fait que les Barbie et Ken soient pas sexuels, puissent pas faire quoi que ce soit, ils en jouent vaguement, enfin il y a plein de trucs en fait, on reste toujours autour des mêmes domaines, mine de rien, quoi. C'est pour ça que je pense que les c'est pas anodin le choix des rôles. Et aussi un autre détail, c'est que le personnage de Ryan Gosling, il a des potes, donc c'est bon, il y a une Nkuti Gatwa et il y a Scott Evans. Ah oui, il y a Scott Evans qui est le frère de Chris Evans, hein. Ah. Et en fait ils jouent, la blague c'est qu'ils font tous des Ken hétéros. Alors, je suis pas sûre pour une cutie gâtoie, mais Scott Evans, il est quand même gay à la base. Hein. Donc, en fait, il y a un côté. Je me demande s'il n'y a pas une manière de dire, comme de par hasard, ils sont tous. Parce que t'as pas. En fait, dans Barbie, justement, on parle pas de d'apparence. On parle pas d'homosexualité, d'apparence. Et que justement, si c'est pas un sous-degré de lecture qu'il faudrait avoir, justement. Alors, moi, j'ai l'impression que c'était un peu développé ce sous-degré de lecture avec Alan. Alan, qui est toujours le personnage à part, qui est coloré, ah, tout ça. Et moi, je me suis dit, c'est. Mais comme tu dis. Ah, sinon, je dis une bêtise. Non, je dis une bêtise. C'est un peu abordé quand il parle de Sugar Daddy et son poteau, en fait, qui est référent au Ken qui a existé. Parce qu'il a, tu sais, la boucle d'oreille. Et en fait, il y a eu un Ken qui est sorti dans les années 80 ou 90. Non, 90 peut-être, je sais plus. Ils avaient sorti un Ken parce qu'ils avaient décidé de Mattel avait décidé de renouveler l'image de Ken. Ils avaient fait un sondage, qu'est-ce qui plaît sur les trucs actuellement. Et du coup, ils avaient mis plein de trucs actuels. Oh, d'accord, faut savoir que la culture gay influence vachement la pop culture. Et en fait, du coup, ils se sont retrouvés avec un Ken qui avait un espèce d'anneau autour de, enfin, en guise de collier, qui avait un anneau à l'oreille. En fait, et en fait, l'anneau qu'il avait en guise de collier, j'ai vu un truc comme ça. C'est un truc de culture gay, ça aussi. En fait, et du coup, c'est peut-être une référence à l'anneau pénien. Je sais plus, mais tout. En fait, du coup, la poupée Ken qu'ils ont sortie, elle n'est pas restée longtemps en vente parce qu'on leur a fait remarquer que ce Ken-là, il est gay, en fait. Donc, du coup, quand j'ai vu le Ken blond avec le Ken Sugar Daddy, je me suis dit, ah, il y a une bonne référence là. Mais d'ailleurs, c'est marrant, c'est un bon point pour eux, pour Mattel et puis pour Warner. À la fin, le générique de fin, on voit toutes les poupées Barbie, toutes les poupées Ken qui ont existé. Même la fameuse poupée Midge, la poupée enceinte, tu fais « Ah oui, d'accord, le malaise ». Et tu vois les différents trucs. Et le gag, la fameuse poupée Skipper, qui n'existe pas vraiment, mais qu'on voit ce qu'elle aurait pu être, la poupée Skipper qui s'est échappée, entre guillemets. Et non, je trouve que c'est vraiment bien pensé, quoi. D'ailleurs, c'est comme tu dis, c'est beaucoup plus subtil qu'on croit, parce que l'air de rien, le film aborde beaucoup de choses. Alors, on pouvait se poser la question, est-ce que c'est pour les petites filles ou pas? Non, c'est plutôt pour les adolescentes et adolescents, parce que le film aborde effectivement les thématiques sexuelles, mais d'une manière comique, sans y toucher trop, etc. Voilà, quoi. Même la critique du patriarcat, c'est un sujet pour... Bon, c'est un spoiler pour personne, on pouvait s'y attendre, c'est même l'un des trucs les plus intéressants du film. J'ai trouvé que c'était toujours avec bienveillance, même en s'en moquant ouvertement, mais avec bienveillance, etc. Et même en apportant des idées, des solutions, comme la grande bataille des Ken, etc. Mais j'en dis pas plus. Il y a, en fait, ouais, la bataille des Ken et ce qui s'ensuit avec de chant et de danse, c'est fabuleux. Ouais. C'est ça le truc, c'est que... Les personnages sont le point fort. Les personnages sont le point fort. Après, il y a peut-être un ou deux personnages qu'on regrette qu'ils ne soient pas plus développés. Mais il y a une intention assez fun. Chose qu'on n'a pas dit dans le ton, enfin qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est vrai que Barbie est très très très féministe. Donc ça plaît ou ça plaît pas. Et la manière avec laquelle on voit le film... C'est aussi révélateur de soi, comment on perçoit le féminisme, comment on perçoit certaines choses, sans dire qu'on est macho ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, le féminisme est empreint de plusieurs courants, plusieurs types de pensées et plusieurs opinions. Donc c'est vrai que du coup, tu vas voir le film, tu vas pas... Si t'es féministe acharné, hyper... avec des idées très très définies, tu vas être peut-être moins... Tu vas le voir un petit peu différent peut-être de quelqu'un qui a juste un féministe de base, voilà, enfin j'ai vu, je pense, et puis bon, bah quand t'es un mec, c'est aussi par rapport à ta vision, t'as tout un panel qui peut être aussi tout un panel d'opinions qui peut se faire par rapport à ça. Et juste pour l'exemple, moi j'ai déjà vu l'exemple de quelqu'un qui est pas le plus gros féministe du monde, mais qui est surtout plutôt quelqu'un qui est anti-féministe, mais qui a regardé le film sans... qui se dit, ouais, ok, le message, il est gros, machin et tout, mais il a quand même pu juger du reste, en fait. Donc, c'est vraiment une question de comment ton ouverture d'esprit se fait par rapport à la lecture de plein de trucs, en fait, pour ce film. Bah, moi, je trouve surtout, mais ça rejoint ce que tu dis, que le film a surtout est très intelligent parce qu'il a retenu la leçon, le film qui a des choses qu'on peut surtout dire avec beaucoup d'humour et de subtilité, et le film a bien retenu la leçon. Comme tu dis, parfois, moi il m'est arrivé de voir, par exemple, Lady Bird de Greta Gerwig, j'avais vu, j'avais trouvé le film, c'est féministe, mais j'ai trouvé le film extrêmement consensuel. C'est-à-dire que je lui avais préféré à l'époque un film comme Ghost World de Terry Zwigoff, basé sur la BD de Daniel Clowes. Et je trouvais que Lady Bird, pour moi, c'était un sous-Ghost World. Et là, Barbie, alors c'est peut-être parce qu'il y a aussi l'humour à apporter avec Will Ferrell, d'autres trucs, etc. Et sans Will Ferrell, il y a un humour quand même qui est quand même très défini et développé. Hein. Tout à fait. Et du coup, par contre, je voudrais juste rebondir un petit peu sur Barbie, vite fait. La construction scénaristique du film, justement, on va l'aborder un petit peu. Alors, pour moi, le film, il est très linéaire, il va du point A à Z, mais franchement, c'est pas un mal, c'est ce qu'il fallait pour un film aussi léger que Barbie, voilà. Le film, il va du point A au point Z, mais comme on l'a dit, Il est très malin, il est très subtil dans sa construction, tout ça. Et même si c'est une narration très basique, voilà, on va parler du patriarcat, tout ça. Mais d'abord, ça se fait en plusieurs sections. Petit A, Barbie Land. Petit B, la confrontation avec le monde réel. Petit C, les personnages qui divergent, c'est-à-dire que Ken va se confronter un peu au patriarcat. L'influence du monde réel sur Barbie Land. Voilà, l'influence du monde réel sur Barbie Land. Et on a à chaque fois le point de vue à la fois de Ken qui découvre le patriarcat, mais qui est innocent, il découvre ça comme un gamin, il va se faire influencer, et de Barbie qui découvre les filles et les femmes, c'est pas juste une version stéréotypée comme Barbie stéréotypée qu'elle est. C'est-à-dire, ce qui amène une petite blague de la narratrice qui fait « Oui, alors juste pour dire que Margot Robbie n'est effectivement le personnage qui n'est pas forcément qu'il fallait pour Barbie stéréotypée, parce que bon... » Non, c'est, en fait, c'est le fait, parce qu'à un moment... Alors, je spoil, mais son personnage... C'est un bon spoil. Le personnage de Barbie... joué par Margot Robbie, est en train de dire je suis moche, machin et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il y a Paul qui dit oui, alors c'est casser Margot Robbie pour ça, c'était peut-être pas très approprié en fait. Parce qu'effectivement, Margot Robbie, elle est quand même loin d'être moche. Quoi. Et oui, d'ailleurs, c'est pour ça, Margot Robbie, déjà dans Loup de Wall Street, tu te dis, c'est un peu. Si tu te mets à la place d'un personnage hétéro masculin de base, tu te dis « Oh, c'est un peu la poupée Barbie, sans trop le dire. » Alors qu'en fait, non. Quand on voit Loup de Wall Street, tu t'aperçois que le personnage est beaucoup plus retors face à DiCaprio, tout ça. Mais j'en dis pas plus. Ça fait aussi partie du rôle qui a été construit, qu'elle a discuté avec Scorsese, tout ça. Comme là aussi, le rôle a dû être discuté, puisqu'elle est productrice aussi, cette fois-ci. Bon, bah. Donc le rôle a été discuté avec Greta Gerwig, tout ça. Et même si c'est pas elle qui devait faire Barbie au début... Elle s'est totalement appropriée le rôle, quoi. Je sais pas, non. Je pense que... En fait, c'est surtout qu'elle est arrivée sur le projet en disant « Moi, je m'en fous de pas jouer dedans, en fait. Je veux surtout le produire, en fait. » A priori, c'est ce que j'ai cru lire. Donc, en fait, si tu veux, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il se trouve après que... Bah, en fait, en même temps, t'as Margot Robbie, tu cherches une Barbie. Tu dis peut-être pas aller très loin, quoi. Quand tu connais l'imagerie de Barbie au tout début et même encore aujourd'hui, je trouve qu'elle est... Elle est parfaite dans le rôle pour justement jouer le personnage stéréotype qui justement sort du carcan des stéréotypes et évolue. D'où, je ne vais pas spoiler, la scène finale où on croit qu'elle va avoir un job et en fait, non, c'est autre chose, mais qui est en rapport justement avec son évolution. Voilà, avec son évolution de femme, j'en dis pas plus. Alors. J'ai trouvé ça d'ailleurs très très bon ce final. C'est beau, j'ai trouvé ça très drôle. Parce qu'en plus, ça arrive après une fin. Ou que je trouve un peu triste. C'est pas triste, mais pas tant que ça. En fait, c'est un passage. La fin était un passage obligatoire. C'est-à-dire que tu sais, le côté un peu pathos, machin. Il y a un côté un peu pathos qui était long, qui est un peu chiant. Ça, c'est mal dealé. Mais en fait, parce que bon, le truc c'est que dans le film Barbie, en fait, il y a des petits passages par-ci par-là, qui auraient pu être raccourcis ou avec un petit peu plus de rythme. Enfin, voilà, c'est des trucs. Il y a des maladresses. Et c'est vrai que ce genre de truc arrive vers la fin. Qui est très très long. Alors la fin est dans deux parties. Hein. Il y a une première partie vraiment un peu chiante et qui est vraiment très longue. Puis il y a une partie un peu plus émotionnelle. Mais les deux passages sont des passages obligés dans un film de tel genre en fait. C'est vraiment des trucs qui sont au cahier des charges de films américains de cet acabit. Mais ils auraient pu quand même vraiment le faire un peu plus court et avec moins lourde en fait. Non mais je vois ce que tu veux dire, t'aurais préféré un montage clipesque là pour Oppenheimer qu'il fallait faire pour la fin de Barbie. Mais je te rejoins, c'est obligatoire parce qu'il faut montrer l'évolution de Barbie, c'est tout à fait bien vu. Mais le rythme est effectivement très mou et alors que le rythme dans tout le film a été soutenu et là tu te dis merde, ils auraient peut-être pu amener peut-être ça autrement peut-être, même si on sait que le personnage était obligé. Barbie évolue, c'est le but du film, c'est la fin du film, tout y amène. Donc voilà. Alors, sinon, donc on va revenir sur le casting d'Oppenheimer. Pas sur le casting, sur les personnages. Non, parce qu'on s'est bien étalé sur le casting. Non, mais sur les personnages en eux-mêmes, parce que du coup, on a un peu dérivé vite fait sur le... Un peu trop vite sur le reste pour Barbie, mais sur les personnages d'Oppenheimer, comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est vrai que les femmes, c'est pas non plus... ils sont peut-être développés et intéressants pour certains, mais pas trop, en fait. Au niveau des femmes, il y a deux personnages, il y a deux femmes qui ont un truc un peu plus défendu. Et encore, je trouve que le personnage de Florence Pugh a vraiment quelque chose d'intéressant, en fait. Tu sens derrière son personnage un truc un peu plus profond. Malheureusement, son personnage n'est pas amené à durer longtemps. Et le personnage comment ça s'appelle ? Emily Blunt, voilà. En fait, elle est là tout au long du film, mais tu sens qu'à bout, qu'il y a un truc, en fait, où elle est latente pendant tout le film, mais ça ne va pas plus loin. et que bon, elle balance 2-3 punchlines et après bon voilà, sans plus. Du coup, moi j'ai une grosse frustration par rapport à son personnage, et il y a aussi un autre personnage, je veux dire, il y a un personnage de femme chimiste. À un moment elle intervient, tu te dis même, ah, il y a une femme. J'en vois même 2-3 bah, dans. Je sais même pas. Et ben ces meufs là, on ne sait pas l'importance de leur rôle dans la bombe, en fait. Surtout qu'en plus, t'en as une, tu crois comment, comment elle s'amène et comment elle dit « Bah, mais t'as là, tu crois qu'elle va avoir un rôle important ou qu'elle va être définie d'un peu à passer dans le récit ? Que dalle, on finit par la voir au fond d'une image après, c'est tout. Donc, c'est bon, tu peux mieux faire. Voilà, bah, je vais pas trop en rajouter parce qu'on est globalement d'accord là-dessus. Après, Emily Blunt, son personnage de Kitty, qui est la femme d'Oppenheimer, mais moi j'ai senti quand même que tu la sens qu'elle bouillonne et que là, quand elle est face à la parole de procès, c'est elle qui déjà, lors d'un repas en soirée, disait « mais t'as pas de couilles, il faut l'attaquer de front ». Et là, du coup, elle se retrouve face au mec et elle choisit, non pas d'attaquer frontalement, elle choisit de jouer la carte de l'ironie pour lui montrer qu'est-ce qu'il est. C'est un péteux qui interroge son mari, etc., pour le renvoyer à sa propre bêtise. Et avec le sourire, tout sourire, ça. Ah bah non, j'avais dit 17. Ah bah c'est 18, 19, je sais plus. J'ai trouvé ça très très bon, moi, de ce côté-ci. Non, mais il y a que des trucs en surface par rapport à ce personnage-là. Quand elle a des enfants, tu pressens qu'il y a un sujet, en fait, très actuel qui aurait pu être abordé un peu plus, ou au moins qu'on nomme ce pourquoi, en fait. Chaque étape, quand elle déménage par rapport à ce que... Parce qu'Oppenheimer, on finit par sous-entendre au final que, bon, ok, la bombe, c'était important pour lui, mais les meufs aussi, visiblement. Donc, tu te dis, dans leur manière, c'est quoi le truc ? Ça a l'air de rien lui faire, en fait, qu'il la trompe. Voilà. Donc, finalement, dans sa tête, comment ça se passe, exactement ? En fait, sa psychologie à elle n'est pas abordée, en fait. Celle du personnage de Florence Pugh, elle est montrée, mais elle ne dure pas longtemps. Et la sienne... sur lequel elle aurait pu avoir le temps de le montrer, n'est pas abordé, il n'y a que de la surface. Donc voilà. Après, sur les roses et sur les personnages masculins, la plupart du temps... Tu voulais dire un truc ? Oui, alors là, je trouve que c'est un peu plus ambigu que ça, parce qu'on sait que la middle wife américaine des années 30, 40, 50, elle a souffert de traumatisme de femmes au foyer qu'on disait libérées, etc. C'est tout ça, on voit déjà dans Les Noces Rebelles avec DiCaprio et Kate Winslet. Et là, je trouve que c'est très bien, parce que on a deux cas de figure de femmes qui sont un peu au foyer, tout ça, qui ont des maris, entre guillemets, géniaux, etc. Alors que l'histoire a prouvé qu'elles étaient des soutiens pour leur mari, que parfois c'était elles qui, dans l'ombre, qui étaient beaucoup plus géniales que leur... Non. Mais là, on a soit une qui tombe dans la dépression, tout ça, etc. Soit l'autre qui élève même pas son enfant, etc. Qui s'attendait peut-être à autre chose qu'élever un enfant avec son mari, etc. Qui on voit même que Oppenheimer est obligé. Elle élève son enfant, mais justement, les premiers temps, il y a un truc qui pourrait. Alors, je vais spoiler, mais spoil. Moi, quand je l'ai vu, j'ai pensé à. Tu sais, enfin, ce qu'on appelait avant le baby blues, ou enfin la dépression postpartum, enfin ce genre de truc. Je sais plus le nom exactement, mais tu sais, quand t'as un enfant et que. Parce que t'as vraiment un. Non, je crois qu'il y a un autre terme. Mais là, c'est une dépression postpartum qui dure beaucoup plus que quelques mois, quoi. C'est... Non, bah après, il finit par. Bah oui, mais ça dépend. Surtout à l'époque, c'était pas reconnu ce genre de truc, en fait. Donc, ça aurait été bien de que ce soit plus obvious. Après, c'est subtil. Peut-être c'est un choix de sa part, hein, de faire en sorte qu'il soit subtil, mais bon, je sais pas. Moi, ça un peu frustré. Bah, je pense que quand on connaît Nolan, je pense qu'il a eu peur de s'écarter du truc, il a peut-être voulu uniquement se recentrer sur Oppenheimer, voilà. C'est quoi. Possible, mais du coup, en dehors de ce sujet-là, il y a sa psychologie à elle, on la connaît pas. Hein. On la voit qu'elle a tout le temps... On sent qu'elle a envie de foutre des patates à tout le monde, mais qu'elle se retient, mais c'est, on n'est pas dans... Enfin, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, on n'est finalement pas abordé, en fait. Et donc, ouais, sur les personnages masculins, enfin, d'une manière générale, il y a une bonne attribution des rôles. Il y a un des Safdie qui joue... alors, il a... Enfin, sa présence, je trouve ça fou, quoi. Attends, j'essaye de retrouver. Il est où ? Attends. C'est Benny Safdie, qui joue Edward Teller. C'est celui qui veut travailler absolument sur la bombe H et tout. Ah oui, personnage très intéressant, ambigu. On ne sait pas de quel côté il est. On sent qu'il admire Oppenheimer, mais qu'il a envie, lui, de prendre ses ailes, de foncer. Donc, Tu sens que c'est un personnage assez ambigu que j'ai beaucoup apprécié. On ne sait pas de quel côté il se situe. Ça, en plus, physiquement, bon, il impose, mais en même temps, il a un physique un peu lourd. Et il a un regard... il a un regard qui est à la fois... il a un regard très clair, mais qui est... Quelque part, tu sens de l'émotion. Mais en même temps, son personnage, il joue pas quelqu'un qui est émotionnel, en fait. Donc, c'est assez intéressant de l'avoir casté dans ce rôle-là. Et ouais, effectivement, il est assez déstabilisant. Et finalement, à la fin du film, il finit par être assez attachant. Après, sur le reste des rôles, y a quand même plein de rôles où, justement, le problème de choisir que des personnages qui sont connus, juste parce qu'ils sont connus, bah moi, je suis désolée, mais je me dis, ça aurait été quelqu'un d'autre qui le jouait, c'était pareil. Hein. Bah, je sais pas. Après, comme je disais à Katou avant de commencer le podcast, moi, il y a une bande dessinée qui s'appelle La Bombe qui m'intéresse, où tu vois tout ce qui est avec la bombe atomique, que ce soit du côté américain, allemand, japonais. Donc, il y a énormément de noms, tout ça, de savants. Et on voit les noms de Fermi, de Niels Bohr. Et là, dans le film, on voit les savants en question. Et même en ayant feuilleté la BD, on se dit « Ah putain, ouais, c'est bien trouvé. Il est bien grimé. » Il y a toujours ce souci de coller avec la réalité, quel que soit l'acteur. Mais peut-être que après tel ou tel acteur aurait mieux fait l'affaire, peut-être avec tel ou tel maquillage. Je pense qu'il y a aussi cette volonté pour Nolan de prendre d'excellents acteurs pour ne pas avoir de problèmes ou pour que ça vraiment que tout colle de partout. Je sais pas, moi le personnage de Kenneth Branagh, dont ils disent, bon, n'importe qui aurait pu le jouer, enfin un autre mec aurait pu le jouer. Toi, typiquement, James Spader aurait pu le jouer. Parce que James Spader, il a en physique un peu de. Il a pris un peu de bonhomie avec le temps, voilà. Le personnage de Casey Affleck aussi, je suis désolée, n'importe qui aurait pu le jouer. Hein. Donc, il y a plein de trucs, y a plein de trucs comme ça. Mais par contre, c'est vrai que Robert Downey Jr. est vraiment très bien. Il est vraiment très bien dans le rôle de Lewis Strauss. Et tu sens à quel point ce personnage-là, c'est un enculé de première. Ouais, mais ne spoilons pas trop. On ne sait pas trop au début du film. C'est qu'après, justement, que le rôle grandit, qu'on s'en aperçoit suivant l'histoire. Et surtout, en plus, ça met en lumière plein de trucs d'un point de vue politique. Et en fait, j'ai pensé à un truc, c'est-à-dire que à une ère où on est justement dans une époque où on se rend compte que finalement, les politiques ont bien plus de pouvoir, en France en tout cas, sur ce qu'ils peuvent faire subir au peuple français, et bien là, tu te rends compte aussi avec Oppenheimer que s'ils veulent, typiquement la commission Grey, ce qui s'y passe, tu te dis, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que théoriquement, il y a des lois, mais si tu veux faire chier, si tu veux te servir des lois, si tu veux te servir des institutions pour instaurer une volonté politique, tu peux. Donc c'est ça, et pareil aux États-Unis en fait, et je trouvais ça de ce moment-là, de le mettre en parallèle avec une époque comme la nôtre, je trouvais ça intéressant. Mais de toute façon, d'une manière générale, de toute façon, tous les acteurs sont bons, hein, donc y a pas, moi j'ai pas vu de gens qui étaient faux. Au niveau des personnages, je te dis, il y a des personnages où c'est peut-être intéressant qu'ils soient là parce qu'ils ont emporté dans l'histoire, mais est-ce qu'il fallait absolument tout mettre? Parce qu'on finit par avoir des tonnes de personnages. Il faut arriver à suivre quand même. C'est là où, justement, dans le film Barbie, c'est pour ça que les Ken sont un peu retraits aussi, pour focaliser sur les principaux. Là, sur Oppenheimer, t'as trois stades de personnages, mais il faut quand même que t'arrives à suivre tout ce qu'il arrive à rencontrer, quoi. Donc, voilà. Mais dans l'ensemble, on sera quand même d'accord pour dire que dans Barbie et Oppenheimer, les personnages sont quand même tous bien trouvés, les acteurs sont quand même assez tous bien trouvés dans l'ensemble, même si, comme tu l'as dit, il y a des acteurs qui sont interchangeables. Mais voilà, Robert Downey Jr., est-ce qu'on pourrait penser à un autre acteur pour faire le rôle? Quand tu vois le film, je pense pas. Franchement, il l'a bien marqué pour qu'on s'imagine difficilement quelqu'un d'autre. Et de même, pour jouer Ken, Ryan Gosling, j'arrive plus à trouver un autre acteur qui pourrait jouer le même genre de patate blonde, quasiment pareil, quoi. Non, c'est exactement non. Moi, je disais, quand on m'a dit Ken, voici Ken, c'est Ryan Gosling en blanc, je fais, mais c'est pas Ken, ça. Ken, il est brun à la base. Il est brun, ça, c'est pourquoi il est blond. Donc, mais il s'est réapproprié le rôle. Pour moi, ce sera jamais un vrai Ken, en fait. Je suis désolée, mais c'est un Ken, voilà. Par contre, ils ont abusé sur les abdos. C'est vrai, à un moment, il a peut-être des abdos, mais je pense qu'ils ont mis un peu de maquillage pour un peu accentuer certains trucs. Mais je trouve ça continue de me faire marrer, parce que Barbie, avec tous ces Ken qui ont des abdos, mais qui sont tout gentil, tout innocent, tout naïf. Et puis après, avec le patriarcat, enfin, le patriarcat, la caricature du patriarcat avec les chevaux, tout ça qui est apporté par Ken, qui a compris une chose sur deux, justement, c'est d'autant plus marrant le contraste, quoi. Mais en plus, c'est ça qui est... En fait, il y a vraiment tout ce discours sur le patriarcat qui est assez... Ah oui, à un moment, le personnage d'America Ferrara... Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé d'America Ferrara. Mais America Ferrara, je trouvais ça intéressant de la mettre, parce qu'en fait, finalement, elle est dans les rôles principaux. Hein. Mmh. Parce qu'il n'y a pas que Margot Robbie et Ryan Gosling. America Ferrara, elle est parce qu'on a parlé de Lou Ferrell en plus. America Ferrara, elle avait joué dans Ugly Betty, dans la sitcom Superstore, dans un film qui est un peu plus connu en France, mais qui s'appelait Quatre filles et un jean. C'était il y a peut-être 15 ans, un truc comme ça. Je ne l'ai pas vu moi-même. Je sais juste qu'en fait, il a marqué plus de gens qu'on croit, c'est tout. Mais. Cette nana, on aurait pu croire qu'elle était bloquée au niveau de la télé, et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de la voir là, parce que elle est plutôt bonne actrice. En plus, je trouve qu'elle a une voix un peu éraillée dans le fond quand t'écoutes comme ça, qui lui donne un peu de caractère, et en fait là elle joue le rôle de la maman, d'une maman avec, enfin, puisqu'il y a deux personnages du monde réel, c'est la maman et sa fille justement. Et pourquoi je disais ça? Je sais plus du tout. Non, mais en fait, oui, elle est super intéressante. Elle a un jeu en plus. Vraiment, le comique, comme elle vient de comme elle a fait des années dans une série comique, en fait, elle est parfaitement adaptée justement à un ton pareil, en fait. Et bon, au départ, moi, d'un premier moment, je croyais qu'elle jouait une autre Barbie, en fait. Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas? Elle fait peut-être Barbie Latina, j'en sais rien, mais c'est pas. Mais en plus, c'est très bien trouvé, parce qu'à un moment, comme c'est une comédie, on peut se permettre des choses que dans un film beaucoup plus réel, on pourrait pas trop, alors ça marcherait moins. À un moment, elle prend la voiture, ça fait des embardés avec la voiture, elle arrive à semer les poursuivants, et c'est comique, et ça marche. Parce que dans un film comme The Predator de Shane Black, là, la nana qui est scientifique, qui arrive par contre à manier un revolver, un fusil, je sais plus trop quoi, et qui arrive à devenir une femme d'action en deux secondes, tu fais « What ?» Mais là, dans Barbie, ça marche, c'est fait exprès, c'est prévu. En plus, c'est drôle, parce qu'en fait, l'explication qu'elle donne pourquoi est-ce que quand ça fait le dit, mais quand c'est vrai que t'arrives à conduire comme ça, l'explication qu'elle donne, c'est assez mignon et drôle, en fait. C'est quoi déjà? Parce qu'en fait, elle dit « Ah non, mais j'ai connu ce gars, machin et tout. » Et puis sa fille, elle fait « Papa ?» Elle fait « Oui, papa. » Oui, c'est marrant parce qu'en même temps, c'est subtil, mais c'est sous-entend que voilà, les femmes ne sont pas tout le temps avec le même homme, etc. Elles ont le droit de changer, de voilà, tout ça, quoi. Surtout qu'en plus, elle lui dit « Ah, ce gars, comment quand elle le dit, tu sais, t'as l'impression que c'est « Oh, fleur bleue, ancien souvenir, grosse histoire d'amour, tu vois. » Bon, non, c'est papa, en fait. Papa qu'on voit, en fait, qui a vraiment un rôle anecdotique, mais tellement stupide. Ah oui, et pourquoi je parlais d'America Ferrara, c'est parce que son personnage, en fait, à un moment, il débite tout un discours sur ce qu'on attend de la femme de nos jours, en fait. Et tu sais, il faut être en même temps ça, il faut être en même temps... Bref. Et en fait, ce truc-là, pour moi, je peux me tromper, mais il fait référence à un truc qui avait beaucoup tourné. C'était une présentatrice. Je sais plus si elle était anglaise ou américaine, mais je crois qu'elle était anglaise. Et justement, qui avait fait ça, en fait. Et qui avait terminé en disant oui, je sais plus la femme qui on attend, je sais pas quoi, vous demande d'aller vous faire foutre, en fait. Il y avait un truc comme ça, en fait. Et parce que après, il se termine pas tout à fait comme ça le discours du personnage d'America Ferrara, mais toute cette tranche là, cette volonté, pour moi, c'est référence à ce moment là parce qu'il avait beaucoup tourné, et c'est vrai que du coup, bon, voilà. Oui, je m'en souviens, et moi j'avais applaudi, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et du coup, j'étais content de revoir ce discours dans Barbie. Après, ça aurait été difficile de faire un truc féministe, mais sans souligner ces trucs-là, en fait. Donc, bon. Sinon, après la question, est-ce que le film est trop féministe ou pas, je sais pas. J'ai pas la question. J'ai pas la réponse. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, ça dépend de quelle lecture on en a, mais bon, ouais, ça dépend de soi-même. Donc oui, bah on peut en arriver construction scénaristique d'Oppenheimer, on en a parlé. Oui. Alors, bah la musique. Ça c'est toi qui est plus Moi, je parle un petit peu dedans, mais toi, vas-y, c'est plus toi, la musique. Oh, la musique, ça va être assez rapide, parce que je pense qu'il est d'accord avec moi, Katou. Mais voilà, alors, la musique, par contre, on est dans deux choses différentes qui vont souligner à chaque fois l'aspect du film. Pour Barbie, C'est une compilation de pop rock, musique. Alors, il y a des morceaux qui sont. La plupart des morceaux ont été créés spécialement pour. Hein. Tout à fait. On pense d'ailleurs, comme ils n'ont pas pu avoir les droits pour Barbie Girl de Aqua, il y a un remix officiel pour le film. Ouais, c'est un remix. En fait, c'est un morceau de rap entre Nicki Minaj et une autre nana que je connais plus, une autre rappeuse en fait. Qui je sais plus comment ça s'appelle, mais il a beaucoup tourné sur les réseaux, ça se trouve vous êtes tombé dessus. Et effectivement, il y a le petit refrain mais Baby Bell à la fin et tout. Et puis pour la musique d'Oppenheimer, par contre, comme c'est un film beaucoup plus sérieux entre guillemets, on a la musique de Ludwig Göransson qui était compositeur sur The Mandalorian. Et là c'est et ça va très bien avec l'univers de Nolan. C'est-à-dire que par exemple pour les autres BO Nolan, moi, je me plaignais, parfois ça passait, et puis parfois ça passait moins bien. Par exemple, Inception, avec les BOOM, qu'ils en avaient fait un gros meme sur Internet, j'avais du mal. Mais par contre, Interstellar, avec le même Hans Zimmer qui faisait de l'orgue pour l'espace, ça, je trouvais ça génial. Une idée de génie. On a un débat depuis tout à l'heure, on va dire, c'est quelle est la BO la plus stridente? Est-ce que c'est pour Oppenheimer ou Interstellar? Moi, je trouve que c'est Interstellar. C'est les sons de l'orgue justement était assez strident et en fait ils étaient très continus, enfin c'est du tit, enfin voilà, alors que là sur Oppenheimer je le trouve beaucoup plus doux en fait, donc pour moi c'est Oppenheimer, c'est Interstellar le plus strident, et j'ai adoré la BO d'Interstellar, mais pour moi c'est la plus stridente. Bah, et moi c'est le contraire, et là aussi j'adore la BO d'Interstellar, je l'ai aussi en CD, mais du coup c'est Oppenheimer avec les pizzicato de violon qui, alors je dirais pas qu'elle était trop stridente forcément ou stressante, mais je trouve que ça allait tout à fait avec le rythme, cette course à l'armement etc, et voilà. Alors après par moments, tout comme d'ailleurs dans Interstellar, il y a des passages très doux au piano, etc. Là aussi, dans Oppenheimer, si on fait attention, des passages très doux ça devient un peu plus calme. Et puis, ça reprend un peu les violons. Mais franchement, je trouve que c'est une superbe BO. Et pour Barbie, je ne dirais pas que je suis fan, mais je trouve que ça collait vraiment bien avec le ton, toutes les musiques qu'on a. On a même des trucs assez connus, quoi. Je ne me rappelle plus. Il y a des références, moi, je suis désolée, mais. C'est vrai que du coup, la BO a servi aussi de. C'est vrai que les BO, quand les morceaux sont faits exprès, par exemple, je vois le morceau de Dua Lipa, et ça fait des mois qu'il tourne, hein. Il marche bien, il s'est bien vendu. Celui de Nicki Minaj justement, ok. Après, tout le reste, c'est des trucs très gentils. Enfin, voilà. Finalement, l'univers est bien défini pour chacun. Donc, oui. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Non, rien à dire. Après, il y a quand même une volonté de faire un film très immersif chez Nolan et ça se sent, quoi. Le travail sonore, j'ai l'impression qu'il y a un travail de dingue. J'ai cité le son qui se coupe au moment de la bombe qui explose à Los Alamos. Mais comme pour Interstellar. Parce que moi, mais justement, tous ces moments stridents dans Interstellar, en fait, c'est des moments qui interviennent au moment où il veut te faire par rapport à l'écran. Il y a quelque chose qui se passe où il veut que le spectateur soit en immersion totale par rapport à ce qui se passe à l'écran, en fait. Donc oui, en fait, le travail de son, ouais, effectivement, il est assez travaillé chez Nolan et c'est un personnage à part entière. Par contre, là, on parle de la musique, mais on a peut-être souligné. On a souligné pour Barbie le travail esthétique, vite fait, chacun les décors, tout ça, etc. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Bah, y a un travail de dingue, par contre, du point de vue visuel sur Barbie, parce que le gros défi, c'était, il fallait vraiment retranscrire l'univers de Barbie, c'est-à-dire un univers coloré, joyeux, rose, et on se dit, comment ils vont faire? Ils vont faire des poupées géantes, des maisons géantes? Ils ont fait des maisons géantes, d'où l'aspect théâtral, ils ont fait des personnages qui se déplacent comme les poupées, et même le soleil est faux, les vagues sont fausses, il y a un réel amusement, et même dans la partie réalité avec Mattel, on sent que même là, c'est le monde réel, mais même là, c'est tourné en dérision. Et alors c'est marrant, parce que du coup, là où il a fait référence des décors, c'est genre un moment, c'est « Ah, toutes les maisons sont ouvertes !» Bah oui, toutes les maisons... Non, effectivement, quand t'as des jouets Barbie, c'est ouvert. Et c'est vrai que tout le décor fait vraiment référence aux jouets, genre la clinique. La clinique qui arrive et qui se déplie comme tu le dépliais ton jouet Barbie, quoi. Donc, c'est... Puis, comme quand tu jouais, ah bah ça y est, t'es guéri en clin d'œil, t'es guéri. C'est ça. Non mais, donc de ce côté-là, c'est... Mais je pense qu'il y a dû y avoir un énorme travail de documentation. Même la garde-robe. La garde-robe de Barbie. En plus, En plus, il y a des fois, ils te disent telle pièce, machin, collecteur, tel machin et tout. Donc ça veut dire qu'il y a eu, il y a quand même eu. Alors que ce soit justement travail de documentation, on pourrait penser que Barbie aurait pas. Enfin, c'était égé, mais on sent qu'aussi bien sur Oppenheimer que sur Barbie, il y a eu beaucoup de recherches et beaucoup de travail de préparation là-dessus, en fait, et que c'est pas juste. Ils mettent pas un truc pour le mettre, en fait. Mais parce que c'est un truc qui est vraiment arrivé, parce que c'est vraiment un truc qu'on a vraiment vu. Et finalement, c'est. Bah, quelque part, ça respecte le spectateur de faire ça. C'est-à-dire qu'on se préoccupe de savoir vraiment. On se dit. On a vraiment conscience que derrière, il y a des gens qui regardent et qui vont faire gaffe à ça. Ouais, oui, c'est deux films qui sont très léchés, que ce soit Barbie ou Oppenheimer, c'est très léché, ça déborde pas, et en même temps, mais c'est bien, c'est pas plus mal, parce que c'est un régal. Pour l'un, c'est un régal pour les yeux, pour l'autre, c'est le travail sonore, même les deux films, un régal pour les yeux, les deux. Et du coup, Katou, on va peut-être terminer avec quelques anecdotes sur les deux films. Vas-y. Alors déjà, pour Oppenheimer, j'étais pas sûr. Mais visiblement, donc il y a une rencontre entre le président Truman et Oppenheimer dans le film, et il y a une réplique assez froide et méchante de Truman sur Oppenheimer qui a réellement existé. Donc là, chapeau pour Nolan pour avoir. Parce que c'est vrai que Truman, en fait, on voit le film, on se dit c'est un sacré connard quand même. C'est ça. Sinon, que dire de plus ? Tout le monde est au courant de cette anecdote. Notre cher Matt Damon, qui faisait une pause, il avait dit qu'il voulait faire une pause pendant quelques films. Il avait dit en plaisantant : oui, alors, à moins que Christopher Nolan m'appelle, je vais pas trop reprendre le cinéma. Et du coup, Christopher Nolan qui l'appelle : en fait, j'ai un petit rôle dans mon film Oppenheimer. Alors, c'est pas forcément un petit rôle, c'est un second rôle très important d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de plans. Écoute, je suis content que Matt Damon ait repris pour ce rôle le film. Une anecdote intéressante aussi sur la musique, comme on y était sur la musique de Ludwig Göransson. Ils n'ont pas voulu utiliser de percussions parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit comme les marches militaires, les percussions pour les marches militaires dans le film. Donc on a souvent des bruits de pas qu'on voit même à l'image quand les étudiants tapent sur le sol en bois, etc. et qui vont après se répercuter sur l'ensemble du film dans Oppenheimer. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne idée sur le point de vue sonore. Ouais, parce qu'en fait, d'un point de vue esthétique, il y a beaucoup de trucs un peu expérimentaux, enfin des essais visuels et tout comme ça. Et en fait, il a fait la même chose d'un point de vue sonore. C'est pour ça que, en plus, bon, t'as certains moments éclatés, mais c'est vraiment qu'il a travaillé tous les aspects du truc. Après, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour moi, il y a des trucs qui me gênent, mais en soi, la démarche artistique est vraiment intéressante, quoi. Alors, sinon, une autre anecdote, celle-ci, elle est connue aussi. Christopher Nolan avait dit « Il n'y a pas de CGI dans mon film !» Mais il l'avait déjà dit aussi pour Inception. Mais c'est un peu sa marotte, ça, visiblement. Lui, il va à tout prix utiliser les effets spéciaux à l'ancienne. Et effectivement, il n'y a pas d'image de synthèse pour l'explosion nucléaire. C'est vraiment des effets pyrotechniques, comme les années 70. C'est juste une très grosse explosion. Bah, en fait, de toute façon, j'ai l'impression que sur Barbie, il n'y a pas tant que ça d'effets. Il y en a forcément un peu, parce que bon... Mais tu sais, genre Barbie qui descend sa maison en volant, bon, là, forcément. Mais quand tu vois qu'il y a plein de trucs qui ont été faits en décor, déjà, ça élimine pas mal d'effets spéciaux, quoi. À un moment, elle a une scène où elle rencontre une petite vieille. Ah, mince, attends. Attends, j'aurais dû vérifier ça avant, parce que je l'ai lu vite fait, j'ai pas fait gaffe. Tu sais, elle est à un arrêt de bus. Et tu vois, quand elle parle à une petite vieille. Oui, je me disais, mais quel passage va être important pour que cette scène figure dans le film? C'est pas n'importe quelle petite vieille, en vrai. C'est une amie de Greta Gerwig, en fait, c'est une costumière oscarisée. Ah. Donc, alors attends, comment elle s'appelle? C'est Anne Ross, voilà. Donc je pense que c'est pour ça, c'est-à-dire que c'était une copine à elle. Et en fait, il y a cette volonté de vouloir mettre en avant des personnalités féminines. Donc en fait, je pense qu'il y avait ça aussi, quoi. Et puis aussi, ça me participe à dire que c'est pas parce que t'es vieille que t'es moins jolie aussi. Et ben moi, je vais peut-être terminer avec deux dernières anecdotes assez croustillantes sur Barbie. La typo Barbie, la typo du film, c'est la typo qui a été utilisée de 75 à 91 pour Barbie. C'est la typo de Barbie la plus reconnue. À tel point que même les nuls dans leur sketch, quand ils se moquent de Barbie, reprennent quasiment la même typo. Et en fait, pour les Ken, on va parler de, non, de Alan surtout. Michael Cera, qui joue Alan dans le film, donc qui est le meilleur ami de Ken, apparaît en 64, les poupées Alan. Et la petite amie de la poupée Alan, c'était la poupée Midge, justement. Celle qui est enceinte. Celle qui est enceinte. Et qui est jouée par Emmeline Farrell. Tout à fait. Et les deux poupées, donc, ont eu droit à leur mariage en 90 avec tout le set de poupées The Wedding Day Midge Dolls. Non, mais voilà. Donc en tout, moi, des deux films, parce qu'on les a vus l'un après l'autre, et j'en tiens que, effectivement, en fait, il y a des similitudes dans la manière dont ils ont été faits. Mais tous deux, on arrive sur des films qui sont pas mauvais. Bon, d'un point de vue qualitatif, quand même, le Oppenheimer est légèrement devant, quand même. Je voudrais pas dire, enfin c'est pas, mais le Barbie est tellement foutraque qu'en fait tu partages certaines choses quand même, et c'est en ça, c'est vraiment le ton du film qui fait la différence, mais en termes de somme de travail les deux sont quand même assez conséquentes, et voilà quoi. Bah, on a droit à deux films généreux chacun dans leur catégorie. Alors je sais qu'on était une séance où on n'était pas que Katou et moi, on était à plusieurs. On était 5 sur le premier, 4 sur le deuxième. C'est ça. Et il y en a un, il s'est dit ah Barbie, c'est pas mon truc. Et chose curieuse, il y en a un qui a aimé Barbie mais qui n'a pas aimé Oppenheimer, et l'inverse, il y a quelqu'un qui a trouvé Oppenheimer pas mal mais qui s'est un peu emmerdé sur Barbie. Voilà. Tandis que nous, Katou et moi, on était ah c'est bien pour l'un et puis pour l'autre ah c'est bien. Ouais, en fait le truc c'est que ces deux films, si bon, même si j'ai dit qu'Oppenheimer est un peu devant quand même qualitativement, c'est quand même deux films qui sont juste des films qui sont voilà bien mais avec les défauts qu'il faut pas nier, en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des défauts, on voit bien que il y a plein de choses qui vont pas, mais ça n'en fait pas des mauvais films, c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa. Donc voilà, il y a pas de d'absolu à dire ah oh, quelle horreur machin et tout. C'est pas des films sur lesquels tu enfin pour moi, hein, parce qu'après moi c'est vrai que sur Twitter, j'ai eu pas mal d'avis très catégoriques, mais j'ai... Non, mais c'est Twitter. Non, mais on peut pas être catégorique sur ces deux films-là. En fait, il y a tellement de trucs que tu peux pas être catégorique en disant ouais il est comme ça et tout. Tu ressens la masse de travail, tu ressens tout ce qui a été fait, tu ressens tout ce... Il y a plein de messages sur les deux films en réalité, donc que ça va un peu émotionnel, voilà, plein de choses, enfin dans ce qu'il y a à dire, dans ce qu'il faut en retenir. Tu peux pas être catégorique en arrivant en disant ouais c'est un film nul. Non, c'est pas possible. Donc c'est effectivement deux films qui peuvent être sujets à débat, deux films qui peuvent être sujet à discussion, donc voilà. Oui, bah moi de mon côté, ouais, d'accord avec toi Katou. Je dirais juste que moi j'ai vraiment beaucoup aimé Oppenheimer. Je me demande avec le recul, parce que j'ai tout vu de la filmographie de Christopher Nolan, oui, même Following, son premier film, hein, contrairement à certains qui se disent fans, mais que bon. Et du coup, alors je ne dirais pas qu'Oppenheimer est son meilleur film, mais je classe quand même dans le haut du panier. Si je devais en choisir 3-4, alors le premier c'est évidemment Le Prestige, mais Oppenheimer serait peut-être pas très loin, peut-être troisième. Je suis assez d'accord. Après moi j'ai pas tout vu, hein, donc je... Et puis tu n'es pas un ancien fan comme moi de Nolan. J'ai pas détesté Le Prestige, j'en ai pas un souvenir hyper... Non, c'est plutôt un bon. J'ai mon préféré, c'est Interstellar, donc... Mais voilà, Oppenheimer, c'est un gros morceau de cinéma qui sera peut-être dans mon top à la fin d'année. Et pour Barbie, un film assez cool. J'ai passé un bon moment aussi, je ne le nie pas, même si j'ai adoré Oppenheimer, je préfère Oppenheimer. Mais Barbie, c'était vraiment très chouette, voilà. Par contre, faut pas faire de deux. Pour Barbie, il ne faut pas faire de deux. L'idée de Mattel qui veut faire une extension, un Mattel Universe... Non, non, et à un moment, j'ai stop, hein, je veux dire, à moins qu'ils trouvent vraiment un conseil, un truc, parce que Polly Pocket apparemment est déjà en route avec Lily Collins. Bon, Je vois pas l'intérêt, vraiment, faut arrêter les débilités non plus. Hein. C'est-à-dire, tu veux pas retrouver. Enfin, je sais bien que ces dernières années, on nous a prouvé que oui, tu peux sortir n'importe quel jouet, tu peux en faire n'importe quel film, mais quand même, j'ai pas encore vu le film Tetris, hein, mais c'est sur la conception de Tetris, hein, le truc. Donc, c'est pas tout à fait pareil, et sachant qu'il y a Gran Turismo qui arrive, hein, mais bon. mais voilà, après, Master of the Earth, Of the Universe. Tu vas y arriver. Yeah. S'ils mettent du Queen, je suis partant. Master of the Universe. Il y a déjà le film avec Dolph Lundgren qui est. Alors il y en a qui aiment pas. Moi j'ai de la sympathie pour le film. Oui. Voilà. Tu gardes ton affection pour lui. Il est kitschou et je le trouve sympathique. Voilà. Je trouve qu'il y a des films qui m'ont bien plus fait chier en fait que celui-là. Un remake. Non. Mais sinon, je trouvais ça drôle dans la liste, Marté, Werner Herzog qui va faire un film de requin. Je sais, c'est un peu. Bah, je me dis, ok, vas-y, pourquoi pas, ça peut être drôle. Bah, Werner Herzog, il a déjà fait le remake entre guillemets de Bad Lieutenant à sa manière. Et moi, j'ai été pété de rire du début à la fin avec Nicolas Cage, qu'on imagine à peine dans le rôle du méchant, du mec le flic corrompu. Mais c'est génial, à la place d'Harvey Keitel. Mais c'est excellent. Alors, après, ça n'a plus rien à voir avec le film de base avec Harvey Keitel. Quoi, c'est du Werner Herzog qui se marre. Je pense que c'est ça. C'est qu'il va faire... Parce qu'il va faire un truc qui n'a plus rien à voir avec l'objet de base. Mais c'est là que ça peut être drôle. Mais après, il faut arrêter toute la batterie qu'ils ont prévue. Non. C'est pas parce que les gens sont partis voir Barbie... que c'est alors typiquement le film Barbie c'est l'exemple d'un concept qui peut être drôle sur le point de vue mais qu'il faut vraiment pas en faire des tonnes. Alors après ils ont prévu de faire Barbie 2 où elle sera à New York. Alors il faut se méfier du piège parce que New York ça veut dire Greta Gerwig à nouveau mais là elle peut retomber dans ses travers. Attention. Non, quelle horreur. Bref. Non mais sinon moi un crossover Polly Pocket avec Mighty Max ça peut être intéressant, c'est un concept. Bref, écoute, on va aller ce matin à Transformers, hein, donc à ce matin. Pitié, non, pitié pas, Transformers 10, 11, 12, pitié. Je suis pas partie voir le dernier, hein, donc. Bref, bah écoutez, on va vous laisser, c'était un peu notre énorme débrief post-visionnage de l'événement culturel de l'été. Oui, alors avec un film qui fait 3 heures et un autre qui fait 2 heures, ça nous fait comme 5 heures de films compilés, hein. Merci, vous pouvez nous dire merci. Donc voilà, bref, bah écoutez, on vous souhaite, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Et bah on espère vous retrouver la prochaine fois en tout cas. Gros bisous à vous. Au revoir.